إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، شيخ فرعون الله عز وجل، on est arrivé au 16e cours de l'explication de Usul Sunnah de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et c'est donc l'explication de l'épître Usul Sunnah de l'imam al-Mubajjal Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, expliqué par Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Et on est arrivé au chapitre qui a pour titre « Hurmatul Qital al-Sultan al-Khuruj alayh ». Et c'est donc un nouveau chapitre qui a pour titre « Il est illicite de combattre le sultan et de se rebeller contre lui ». Et l'imam Ahmed, rahimahullah, car lui fasse miséricorde, il dit وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ فَعْلَ ذَلِكَ فَهُمْ مُبْتَدِعٌ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَالطَّرِيقِ. Il dit l'imam Ahmed, rahimahullah, ta'ala, dans son épître, il est illicite de combattre le sultan et de se rebeller contre lui, et ce pour qui que ce soit parmi les gens. Celui qui commet cela est un mubtadi', est un innovateur qui n'est pas sur la sunna ni sur la voie. Maintenant, on a l'explication de Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala de ce chapitre-là qui dit « لأن الخروج عليه مخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة حتى لو كان كافرا لا تخرج عليه إلا إذا كان هناك قدرة وهناك مصلحة راجحة وليس هناك مفسدة راجحة حينئذ إذا أمكن التخلص منه فذاك وإلا فالأصل الصبر أما وهو مسلم فما دام في دائرة الإسلام وما دام يصلي فلا يجوز الخروج عليه حتى يرى الكفر البواح فيخرج بالشروط التي ذكرت. نكتفي بهذا أو ذكرته من قبل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Vous allez voir qu'en fait le chapitre il se termine là parce qu'on a c'est un chapitre qu'on a fait en plusieurs fois toujours sur le sultan, les gouverneurs etc. Et qu'après le reste du cours ça va être en fait des questions-réponses. De ce cours-là. Alors, peut-être qu'il y a des frères qui vont être perdus. Eh bien, pour les frères qui n'étaient pas là ou qui ne se souviennent plus, j'avais dit que Cheikh Rabi' Hafidahullah, il avait fait cet épître-là en quatre cours, dans une daura. Hein? Et maintenant, vous allez voir qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va juste, après 16 cours en français, on va arriver à la fin du troisième cours en arabe. D'accord? C'est pour ça qu'il fait que, hein, ici, maintenant, on va s'arrêter aujourd'hui à ce chapitre-là, à ce court chapitre-là, ou cette partie de chapitre-là, si vous voulez. Et qu'après, on va s'attacher, Inch'Allah, à traduire. Il y a cinq questions avec les réponses de Cheikh Rabi', hein, Inch'Allah. Et après, on s'attachera à étudier le quatrième cours qui est en arabe. Et je ne sais pas s'il va faire trois ou quatre cours en français, Inch'Allah. Et après, on aura fini tout le livre. Hein, c'est pour que vous ayez le fil. Donc, Cheikh Rabi', comment il explique cette partie ici de l'épître de l'imam Ahmed Usul Sunnah ? Il dit « Ceci car la rébellion contre le gouverneur est une transgression » des textes rapportés de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a déjà rapporté hein, de manière récurrente dans tous ses cours sur la position des gens de la sunna du consensus quant au gouverneur musulman. Et on avait dit, il est dit, Cheikh Rabi' ici, ceci car la rébellion contre le gouverneur est une transgression des textes rapportés de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une transgression d'un fondement important parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus. Et je vous rappelle qu'on est toujours dans le cadre de quoi ? D'études des fondements des gens de la sunna du consensus. Et une chose très très importante que j'avais dit dès le début, et que Cheikh Abdullah al-Bukhari, quand vous écoutez son explication, à laquelle sur laquelle il attire l'attention, eh bien c'est quoi ? Et Cheikh Rabi' d'ailleurs dans son cours qu'on a déjà traduit, il dit que l'imam Ahmed, il va citer des fondements de la sunna. Et que chaque personne ou toute personne qui contredit l'un de ces fondements, des fondements de la sunna, des gens de la sunna du consensus, mais aussi la sunna ou le jama'a, eh bien, il ne fait pas partie des quoi? Des gens de la sunna, du consensus. Ça, c'est important de comprendre cela. Et j'avais dit, pourquoi à Cheikh Abdel Bukhari? Parce qu'il avait dit chaque fois, wa. Hein? Regardez ici d'ailleurs le chapitre. Wala yahillu qital al-sultan. Wala. Hein? Pourquoi? Parce qu'au début, le livre, il commence par dire, wa usul sunnati indana. Et puis, les fondements de la sunna sont chez nous, les gens de la sunna. C'est quoi? Et il cite les usul qu'on a cités d'ailleurs depuis 16 cours maintenant. Et chaque fois en disant, et. C'est-à-dire que tout ce qu'on cite fait partie des fondements des gens de la sunna du consensus. Donc on ne vient pas vous mettre des chouboîtes et dire qu'ici, non, attention, il y a divergence, il y a différents savants qui ont différents avis, etc. Non, ici on parle des fondements des gens de la sunna du consensus qu'on ne peut pas transgresser, on ne peut pas contredire. Et toute personne qui transgresse l'un de ces fondements, eh bien c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un des gens de la sunna du consensus. D'ailleurs, Cheikh l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, il est illicite de combattre le sultan et de se rebeller contre lui, et ce pour qui que ce soit parmi les gens, celui qui commet cela est un innovateur, qui n'est pas sur la sunna ni sur la voie. Et donc Cheikh Rabi, il explique cela en disant ceci, car la rébellion contre le gouverneur est une transgression des textes rapportés de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une transgression d'un fondement important parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus. Ahl sunna wal jama'a. Et de même si les mécréants, tu ne te rebelles pas contre lui, sauf si on en a la capacité. Et ça, on en a déjà parlé dans le dars qu'on avait fait, ou plutôt les dars, parce qu'en français ça fait trois dars, du Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, concernant la position des gens de la sunna et du consensus, concernant les révolutions dans les pays arabes. Vous vous souvenez de ces cours-là? Ils sont disponibles sur notre site et d'autres. On avait fait une série de trois cours pour montrer la position quand la fitna avait commencé dans ce qu'on appelle aujourd'hui faussement le printemps arabe. Il a rien du tout d'un printemps, au contraire. Eh bien, c'est quoi? C'est pour montrer la position des gens de la sunna, évidemment dans ce genre de nawazil, dans ce genre de fitna qui touche la communauté, mais on revient aux enracinés dans la science, on revient aux ulama. Et parmi eux, Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali, qui a fait donc un cours sur la position des gens de la sunna, sur ces révolutions, ces manifestations, etc. Et Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali, on l'a traduit, ça fait trois cours. Et on avait parlé des différents cas par rapport au gouverneur qui est musulman, au gouverneur qui n'est pas musulman, etc. et les conditions, etc. Donc écoutez bien la parole du Cheikh Rabi ici, il dit, et même s'il est mécréant, tu ne te rebelles pas contre lui, sauf si on en a la capacité et que le bien qui découle de cela est plus grand que le mal. Et qu'il n'y ait pas de mal qui en découle plus grand que le bien. Alors seulement si on peut se débarrasser de lui, alors oui, sinon la base c'est de patienter. Et Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali avait très très bien expliqué cela dans le cours. J'insiste pour que vous y reveniez si vous avez oublié ou si vous n'avez pas écouté le dars du tout. Et il avait très bien parlé, il avait apporté des positions des salafs comme Hassan al-Basri, rahimahullah, etc., et de certaines de leurs paroles. Et j'insiste sur le fait que c'est qui voit quand le bien est plus grand que le mal, et quand il y a une capacité de le faire ou pas, et quand il faut le faire ou pas, et bien c'est qui? C'est tout simplement les ulama. Ar-rasikhun fil 'ilm, les enracinés dans la science, et ce n'est pas l'imam du coin, ou le frère du coin qui n'a pas étudié, etc. Ou même, certains des têtes parmi les têtes des gens de l'innovation, on revient aux ulama d'Ahl Sunna al-Jama'a. D'accord? Et d'ailleurs, si les gens revenaient actuellement aux gens enracinés dans la science parmi les gens de la sunna du consensus, eh bien on aurait évité beaucoup de fitaines et on aurait évité que beaucoup de sang soit coulé dans les pays musulmans. Donc Cheikh, il dit, tandis que si les musulmans, tant qu'il est dans l'ensemble de l'islam, da'iratil islam, tant qu'il est considéré comme musulman et tant qu'il prie, il est alors interdit de se rebeller contre lui jusqu'à ce que l'on voit de lui ce qu'on appelle le kufr al-bawah en langue arabe, une mécréance claire, et que donc il sorte de l'islam sous les conditions que j'ai citées, c'est-à-dire que Cheikh Rabi a citées précédemment. D'accord? Pour les frères qui veulent avoir plus de détails, eh bien qu'ils reviennent à l'explication du hadith. Il antaraw kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhanun. Et Cheikh Bazmoul a fait une très belle explication de ce hadith-là, mot par mot. Dans certains de ses livres, revenez-y. À l'occasion, Inch'Allah, on pourra peut-être les traduire, mais on va s'attacher à continuer dans ce livre, Inch'Allah. Et puis, Cheikh, il dit, Cheikh Rabi Hafidah, nous nous suffisons de cette quantité. Évidemment, c'est la fin du troisième cours en arabe, comme je l'avais dit. Et maintenant, on va s'attacher à étudier les questions-réponses. Comme j'ai dit, il y en a cinq. Donc, as-salat al-dars, les questions posées après le cours au cheikh. C'est-à-dire qu'il y a des frères qui assistent à cette dawra, qui posent des questions au cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, et il va s'attacher à répondre, et nous on va s'attacher à traduire ses questions et ses réponses. السؤال الأول première question إذا تكلم أحد من المعاصرين في الصحابة هل نقول إن كلامه من باب تكلم بعد السلف بعد الصحابة كيف نرد على هذه الشبهة première question qui est posée à son éminence Cheikh Rabi hafidhahullah ta'ala eh bien c'est quoi c'est quelqu'un parmi les contemporains parlant mal des compagnons peut-on dire que sa parole est de l'ordre de la parole de certains prédécesseurs sur certains compagnons Comment pouvons-nous réfuter cette ambiguïté ? La réponse de Cheikh Rabi' al-Jawab, الذي يتكلم في الصحابة من السلف هم الخوارج والروافض. أما أهل السنة فما تكلموا في الصحابة. فسلف هذا هم الخوارج والروافض. نعم أما أهل السنة والسلف فوالله صانوا أعراض الصحابة وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قوم حفظ الله سيوفنا من دمائهم فلنحفظ ألسنتنا من أعراضهم احفظوا هذه الكلمة من هذا الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى première question, réponse de la première question eh bien c'est quoi ou plutôt réponse de la première question eh bien Cheikh Rabi' il dit ceux parmi les prédécesseurs c'est-à-dire que ceux qui nous ont précédés on ne parle pas ici des pieux prédécesseurs qui ont parlé en mal sur les compagnons sont les khawarij et les rawafid. Tandis que les gens de la sunna n'ont pas parlé en mal des compagnons. Les prédécesseurs de celui qui parle en mal sur les compagnons sont les khawarij et les rawafid. Tandis que les gens de la sunna et les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire salaf salih, c'est ça qui veut dire nos salaf, hein, ben par Allah, ils ont préservé l'honneur des compagnons. Et Omar ibn Abdel Aziz, il a dit, rahimahullah, essayez de retenir cette parole, même en français, des gens dont Allah a préservé nos sabres de leur sang, attachons-nous donc à préserver nos langues de leur honneur. C'est-à-dire de quoi? De porter atteinte à leur honneur. C'est ça qu'il faut dire ici, qu'il faut comprendre ici. Hein? Deuxième question, posée à Cheikh Rabi' dans le cadre de cette dawra-là. ما هو القول الراجح في ترك الصلاة وما مدى صحة قول من يقول ومن لم يكفر تارك الصلاة فقد وقع في الإرجاء شعر أم لا يشعر فهل لهذا القول سلف أم لا Deuxième question posée, et ça c'est une question importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Cheikh Al-Albani rahimahullah par rapport à ce point-là et qui essaient de dire que c'est un mourji ou qu'il a l'irja et ce genre de fausses accusations-là. Hein? La deuxième question, quel est l'avis le plus fort en ce qui concerne celui qui délaisse la prière ? Donc là, on voit déjà qu'il y a une divergence. C'est ce que Cheikh Rabi' va expliquer. Et quelle est l'authenticité de la parole de celui qui dit que celui qui ne juge pas celui qui délaisse la prière comme étant mécréant est tombé dans l'irja, qu'il s'en rend compte ou pas ? Hein? Et ici, je voudrais que... On va le redire dans la suite du cours, Inch'Allah. Mais je voudrais que vous compreniez bien que le cadre de la discussion ici, il n'est pas sur celui qui délaisse la prière en reniant son obligation. Ce qu'on appelle « alladhi yatruku salat juhudan ». Ici, on parle de celui qui est l'adhi yatruku salat takasulan. C'est-à-dire quoi ? Par fainéantise. Mais il reconnaît l'obligation de la prière. Tandis que celui qui renie l'obligation de la prière, il est kafir bil ijma. Il y a unanimité des savants sur le fait que c'est un mécréant, parce qu'il renie quelque chose qui est obligatoire dans la religion. Hein ? D'accord ? Et que c'est connu. Chaque musulman, il sait que la prière, c'est obligatoire. D'accord ? Tandis qu'ici, nous, on parle de quoi ? La divergence sur celui qui délaisse la prière par fainéantise, mais il reconnaît l'obligation de la prière. D'accord ? Donc c'est important de vous situer le cadre de la discussion ici. Et la question continue, donc ça c'était ma parenthèse, on continue la question ici. Est-ce que cette personne a des gens qui l'ont précédé dans cette parole ou pas ? Et ça c'est quelque chose, je discutais avec certains frères il y a ces derniers jours, et ça c'est une phrase que vous devez apprendre à dire aux gens. Hein ? C'est qui ton salaf mon frère ? Tu dis quelque chose, c'est qui ton salaf ? D'accord ? Tu rapportes quelque chose, c'est qui ton salaf mon frère ? C'est qui t'a précédé là-dessus ? C'est qui le savant qui est derrière toi ? C'est qui l'imam de la sunna qui t'a précédé dans cette parole ? Réponse de Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala. Al-jawab, nahnu la na'tarid ala man yukafir tarik salah. Wa la nattahimuhu, bal nahtarimuhu. Wa nujilluhu wa lahu adillatuhu alati... نقدرها بارك الله فيك والذين لم يكفروه نقدر فقههم ومكانتهم ومنزلتهم ولا متعلقا من القرآن والسنة منها قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة النساء، ومن أحاديث أخرى أو أخر، ومنها أن الكفر هنا كفر دون كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب العلم ومسلم في كتاب الإيمان. وكما قال أطلق الكفر على من يرتكب بعد الكبائر، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة إن شاء الله يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن. وهذا الحديث كذلك حديث متفق عليه أخرج البخاري في كتاب الأشربة ومسلم كتاب الإيمان. Et puis un autre hadith encore, والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. والحديث أخرج البخاري في كتاب الأدب. On va s'arrêter là, puis pour que ce soit pas trop long pour les frères qui ne comprennent pas l'arabe, et puis on va s'attacher à traduire et à lire le reste en arabe, inshallah. Donc la réponse par rapport à cette question-là, Cheikh Rabi' il dit, hafidahullah ta'ala, nous ne nous opposons pas à celui qui juge mécréant, celui qui délaisse la prière comme étant mécréant. D'accord ? Donc celui qui juge celui qui délaisse la prière et qui le juge mécréant, d'accord ? Nous ne nous opposons pas à lui. Et on parle de celui qui délaisse la prière, encore une fois, par fainéantise, non pas celui qui renie son obligation, que ce soit bien clair. Et nous le respectons. Et il a des preuves que nous respectons, qu'Allah vous bénisse. Et ceux qui ne le jugent pas comme étant mécréants, nous respectons leur compréhension. Donc il parle des deux groupes de savants, en fait, pour montrer qu'il y a une divergence. Et ceux qui ne le jugent pas comme étant mécréants, nous respectons leur compréhension et leur statut et leur degré. Et ils ont des preuves sur lesquelles ils se basent du Coran et de la Sunna. Parmi elles, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction du sens est, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Surat An-Nisa, verset 48. Et parmi elles, d'autres ahadiths, et parmi elles, c'est-à-dire les preuves, hein, d'autres ahadiths, et parmi elles, que la mécréance ici est la petite mécréance, qu'on appelle kufr duna kufr. C'est-à-dire, il y a le kufr al-asghar et le kufr al-akbar. Et pas la grande mécréance. C'est-à-dire pas la grande mécréance qui fait sortir la personne de l'islam. Il dit, pas la grande mécréance comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il cite un hadith, écoutez bien le hadith, je le répète en arabe pour que vous situiez bien la discussion ici, « La terji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd » C'est un hadith muttafaqun alayhi. Vous avez entendu le mot ici ?« Ne revenez pas, ne redevenez pas après moi kuffar, mécréant. » À titre de faïda, Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie dans le Sharh Sahih Muslim, qui s'appelle Al-Bahr al-Sajjaj, fi Sharhi Sahih l'imam Muslim ibn al-Hajjaj, dans son deuxième volume, je vous donne la référence après, Inch'Allah, il rapporte 10 avis sur ça. Hein? Et le premier avis qu'il rapporte, qui n'est pas pris en considération, c'est l'avis des Khawarij, c'est-à-dire qu'ils le prennent quoi ? Sur son sens apparent. C'est-à-dire celui qui fait une kabira, c'est quoi ? Un mécréant. Alors qu'Ahl Sunnah al-Jama'a, ils ont des règles là-dessus, ils font un jama'a entre nous sur le Shara'iyya. Et que des fois, le kufr, il a le sens de quoi ? De kufr. Duna kufr, c'est-à-dire le petit kufr qui ne fait pas sortir l'islam. Et des fois, il a le sens de grand kufr, le kufr akbar qui fait sortir de l'islam. Or ici, c'est quoi ? Quand dans les textes qui concernent le kaba'ir, eh bien, c'est évidemment la mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Vous comprenez ? Hein ? On parle des kaba'ir ici. Hein ? Et donc, il dit... Je répète la traduction du hadith, ne redevenez pas après moi mécréants. Certains parmi vous tranchant la tête d'autres. Or vous savez, je vous pose la question d'ailleurs, est-ce qu'un musulman qui tue un musulman, est-ce qu'il sort de l'islam quand il le fait ? Hein ? Si tu me dis non, je te dis c'est quoi ton dalil ? Hein ? C'est quoi ? Hein ? Celui qui tue son frère musulman, hein, est-ce qu'il est mécréant ou pas? J'ai déjà entendu deux réponses ici. Il y en a une qui est fausse, il y en a une qui est juste. Hein? Celui qui tue son frère en islam, hein, c'est un grand péché, c'est pas une mécréance, c'est Ikhwa. C'est pas une mécréance, attention. Hein? Maintenant, Il y a un tafsir sur d'autres points. D'accord ? Mais ici, vous connaissez le verset. C'est quoi le verset ? وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا اللَّهُ عَزِيزٌ leur attribue la foi malgré le fait qu'ils se... ils s'entretuent, ils se combattent les uns contre les autres. Hein? Et à la fin du verset, c'est quoi ? فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. D'accord ? Donc c'est important que dans l'aqidah d'Ahl Sunnah al-Jama'a, c'est que celui qui commet un grand péché, il est toujours croyant. C'est pour ça que les ulama ils disent, et c'est une phrase que j'avais décidée dans un des chapitres sur l'iman, c'est qu'il est « mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi ». C'est-à-dire qu'il est mu'min de sa foi, mais qu'il est fasiq, il est pervers de son, à cause de son grand péché. D'accord ? Maintenant, il y a une mis'ala de l'istihlal, c'est encore autre chose. Celui qui rend licite, ça c'est encore autre chose. Mais on ne parle pas de ça ici, d'accord ? Vous situez la discussion ou pas ? Donc je répète ici, ne redevenez pas après moi mécréant, certains parmi vous tranchant la tête d'autres. Je vous donne la référence rapportée par le Bukhari, numéro 7077, et Muslim, numéro 65. Et comme il dit, qualifiant de mécréants ceux qui commettent certains grands péchés, vous voyez, cher Rabia, qu'est-ce qu'il dit ? Qualifiant de mécréants certains qui commettent certains grands péchés, hein, et évidemment ici, les grands péchés, on a dit quoi ? Que ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam, et c'est un point qui est ijma chez Ahl Sunnah al-Jama'a, il n'y a pas de divergence là-dessus, d'accord ? Ne vole pas, écoutez le hadith, qu'est-ce qu'il dit ? وكما قال أطلق الكفر على من يرتكب بعض الكبائر لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن. C'est quoi le hadith en français? On va essayer de le traduire. Ne vole pas le voleur lorsqu'il vole en étant croyant, et ne fornique pas le fornicateur lorsqu'il fornique en étant croyant, et ne prendra pas un nuhba. Alors c'est quoi le nuhba? On va essayer de traduire une tarjama istilahiya. C'est quoi ? Eh bien, j'étais vous chercher dans l'explication de Sahih Muslim de Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie. Il explique dans son explication de Sahih Muslim, qui s'appelle Al-Bahr Al-Muhit Al-Sajjaj, volume 2, page 330. Volume 2, page 330. Al-Nahb, dans la langue arabe, huwa al-akhdu ala wajhi al-alaniya wal-qahri wal-ghalabati wal-nahbatu bil-fath masdarun wabid-dam al-nuhbah. Al-mal al-manhub. Al-nahb, c'est quoi ? C'est de prendre publiquement et avec force et prédominance. D'accord ? Al-nahba, avec une fatha, al-nahba, c'est la racine du mot, c'est le masdar. On est d'accord ? Et avec une damma, c'est l'argent qui est pris de cette manière. Al-nahba et al-nuhba. Donc maintenant, on revient au hadith et ne prendra pas une nuhba. Maintenant, vous savez c'est quoi une nuhba ? Hein, vers laquelle les gens lèvent leurs yeux en étant croyants. D'ailleurs, vous voyez c'est quoi ici ? C'est qu'il faut comprendre qu'il y a des textes dans lesquels la foi, elle est, il y a une négation de la foi. Alors maintenant, est-ce que c'est une négation de la foi ? Est-ce que c'est une négation de la perfection de la foi ? Ou c'est une négation de toute la foi ? Je vous donne un hadith que vous connaissez certainement tous. « La yu'minu ahadukum » حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Comment vous comprenez ce hadith ? Ça veut dire que t'es kafir, خلاص. لا يؤمن, il croit plus. Hein ? C'est pour ça que les ulama ils ont fait un bab, ils ont dit نفي كمال إيمان. C'est une négation de la perfection de la foi. Hein ? Et vous voyez comment les gens de la sunna, et ça fait partie des fondements des gens de la sunna, c'est qu'ils regroupent les textes dans un même chapitre. Quand ils parlent d'un chapitre, hein, de la religion, ils prennent quoi ? Ils regroupent les textes. Ils ne prennent pas une partie des textes en laissant d'autres. Ils font un quoi ? Un jama'. La yu'minu ahadukum. Hatta yuhibba li akhi hi ma yuhibbu li nafsi. Alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Wa in ta'ifatani min al-mu'minin iqtatalu. Allah Azza wa Jalla les appelait comment ? Mu'minun. Vous suivez un peu la discussion ici ? Inch'Allah, on va faire d'autres livres dans l'Aqidah. Inch'Allah, on va plus en parler en détail dans l'Iman, etc. Même si on en a déjà parlé dans Usul Sunnah, on en a déjà parlé dans d'autres livres, etc. Mais c'est important, il y a Ikhwa. Là, on parle des fondements des gens de la Sunnah et il faut étudier sur l'Iman. Doucement, suivant les livres des ulama, l'ordre des livres des ulama qu'ils donnent, etc. Mais il faut prendre ce genre de Usul, etc. D'accord ? Hein ? Qu'on ne vienne pas vous mettre des choubouettes et que vous connaissiez l'Aqidah d'Ahl Sunnah al-Jama'a et tout ce qui concerne l'Iman. Je vous donne la référence du dernier hadith que j'ai cité, rapporté par Al-Bukhari, numéro 5772, et Muslim, numéro 57. C'est donc encore une fois un hadith mutafaqun alayh. Puis il cite encore un autre hadith, qui dit, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. C'est le prophète Azam qui dit ça. Qalu man ya Rasulallah? Qala alladhi la ya'manu, jaruhu bawa'iqah. Le hadith il est dans le Bukhari, Kitab al-Adab, chapitre des bienséances et du comportement. D'accord? On va traduire le hadith. Et un autre hadith qui dit, par Allah, il ne croit pas. Vous avez entendu? Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Il dit, qui est le messager d'Allah? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses bawa'iq. C'est quoi le bawa'iq? Encore une fois, on va faire une tarjama istilahiya. C'est-à-dire qu'on va aller voir dans les paroles des ulama qu'est-ce que veut dire ce mot-là. Mais Cheikh Al-Uthaymeen, il est dans Sharh Riyad Salihin, dans le troisième volume. Et c'est tout ce qui concerne le voisinage, etc. Il dit, يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه. C'est-à-dire sa trahison et sa traîtrise et son injustice et son inimitié. Maintenant, je répète le hadith avec ça maintenant, d'accord? Eh bien, le hadith, il dit, celui, parce que le prophète, il a juré combien de fois? Trois fois. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Ils ont dit, qui est au messager d'Allah? Il répondit, alayhi salatu wassalam, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses bawa'iq. C'est quoi le bawa'iq? C'est-à-dire que tu n'es pas à l'abri de quoi? Hein? Eh bien, de sa trahison, de sa traîtrise, et de son injustice et de son inimitié. Est-ce qu'on va le rendre mécréant, celui-là, qui commet tout cela, envers son voisin? Non. Vous comprenez un peu ici? Donc c'est pour ça que faire attention et revenir dans ces genres de textes-là à la compréhension de l'ulama. Savoir qu'est-ce que les ulama, ils ont dit. D'accord? De quelle mécréance on veut parler ici? D'accord? Vous avez d'autres textes. C'est un texte que les ulama citent souvent, comme Yakfurna al-Ashir sur les femmes. C'est dans quel cadre que le prophète Azam a dit ça? Qui connaît ce hadith? Qu'il y a un peu d'interaction, que je ne parle pas tout seul. Yakfurna al-Ashir. Elles ne sont pas reconnaissantes. Exactement, elles ne sont pas reconnaissantes du bien. Ou du fadl de leur mari sur elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont... Hein? Elles ne sont pas contentes d'une chose. Hein? Et bien elles disent, il t'a jamais fait de bien. Hein? D'accord? Yakfurna al-Ashir. Et qu'est-ce qu'on va comprendre ici? Vous voyez, comprenez, avec le mot kufr ici, il y a des compréhensions de ulama et ikhwa. Et ici, pourquoi Cheikh dit, il cite en fait ce genre de preuve-là pour les ulama qui considèrent que Tariq Salah, ce n'est pas un kafir, pour dire qu'en fait, ils considèrent que c'est une petite mécréance, d'accord? Et que ce n'est pas une grande mécréance. Encore une fois, comme on a dit, celui qui délaisse la prière par fainéantise, et on a dit, pas par, comment on peut dire ça, par déniement ou négation ou rejet de l'obligation de la prière. Celui-là, on a dit, celui qui rejette l'obligation de la prière, et bien celui-là, il est kafir bil-ijma'. Je vous donne la référence du dernier hadith que j'ai cité sur par Allah, il ne croit pas, trois fois jusqu'à la fin du hadith. Il est rapporté dans le Bukhari, Kitab al-Adab, et c'est 6016. Maintenant, on continue la parole du Cheikh Rabi'. فيعني كما تأول هذه الأقوال باتفاق إخوانهم الآخرين الذين يكفرون أيضا يؤول النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة هذه وجهة نظر من لم يكفر ومنهم الشافعي ومنهم مالك ومنهم أبو حنيفة ومنهم عدد كبير من أتباع هؤلاء ومن سلفهم لا يكفرون تارك الصلاة بناء على هذه الأدلة التي ترجح فيها عندهم يعني عدم تكفير تارك الصلاة وهم من أئمة الإسلام ومن أئمة أهل السنة ومن يقول هذا القول فإنه وقع في الإرجاء الذي لا يكفر تارك الصلاة شاء أم أبى هذا غلط وكلام فيه مجازفة وغلو وانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. Qu'est-ce que Cheikh Rabi' dit? Il continue son explication en disant, ou sa réponse à la question, en disant, comme leurs frères qui jugent mécréant celui qui délaisse la prière ont expliqué ces textes d'une certaine manière, également ces textes ont expliqué d'une certaine manière. Ces textes qui ont été rapportés sur la mécréance de celui qui délaisse la prière ont été expliqués d'une certaine manière par ceux qui ne jugent pas celui qui délaisse la prière comme étant mécréant. Et cela est l'avis de ceux qui ne le jugent pas comme étant mécréant, comme on l'a dit. Parmi eux, il y a qui? Shafi'i. Et Malik. Et Abu Hanifa. Et parmi eux, il y a un grand nombre de leurs suiveurs. Et comme on va le voir dans un instant, c'est même un des avis de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et de leurs prédécesseurs, qui ne jugent pas celui qui délaisse la prière comme étant mécréant en se basant sur ses preuves. L'avis est le plus fort pour eux est que celui qui délaisse la prière n'est pas un mécréant. Hein? Et ils font partie des imams de l'islam. Et des imams des gens de la sunna. Encore une fois, j'ai dit, ici on parle de celui qui délaisse la prière par fainéantise, tandis que celui qui renie son obligation est un mécréant à l'unanimité des savants. Donc vous voyez l'intelligence du cher Rabbi, il est en train de montrer que celui qui dit que celui qui délaisse la prière par fainéantise, il n'est pas mécréant, il a des salafs, des grands imams derrière lui. Ce n'est pas une phrase qu'il a inventée de lui-même. Donc fais attention à ce que tu dis. Et il va le prouver dans un instant, il va dire, si tu dis que maintenant celui qui est contemporain, qui dit, et qui dit que celui qui délaisse la prière, hein, n'est pas un mécréant, et bien qu'il a l'irja, mais qu'est-ce que cela implique? À plus forte raison, et que les imams qui sont avant lui, ils ont quoi? Ils ont l'irja ou l'adou billah. Donc en fait, quand tu essaies d'attaquer, ou certains qui essaient d'attaquer Cheikh Al-Albani par rapport à ça, à qui ils s'attaquent aussi en vérité, c'est des montagnes de science. En vérité, c'est pas ça les gens qui n'aiment pas Cheikh Al-Albani, les tekfiris et autres sectes, etc., qui essaient d'attaquer Cheikh Al-Albani par ce genre d'angle-là, pour essayer de jeter des doutes à sa aqida, parce qu'en fait, il les a réfutés. Et il a montré leur égarement, rahimahullah ta'ala. Hein? Donc, Cheikh, il dit, et celui qui dit cette parole, que celui qui ne juge pas mécréant, celui qui délaisse la prière est tombé dans l'irja, qu'il le veuille ou non, eh bien, cela est une erreur de dire cela. Et il y a en cela une certaine témérité et une exagération, écoutez bien ce qu'il va dire ici, et une déviance par rapport à la voix des gens de la sunna et du consensus. Donc n'acceptez pas cette parole. Quand quelqu'un vous dit, oui, mais Cheikh Al-Albani, il a l'irja, ah oui, pourquoi? Hein? Eh bien parce qu'il dit que celui qui délaisse la prière, eh bien c'est pas un mécréant, eh bien vous lui répondez de cette manière-là. D'accord? Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'irja, c'est, de manière très résumée, c'est le fait de sortir les actions de l'ensemble de la foi. Ta'khir l'a'mal an musamma l'iman. D'accord? Alors Cheikh Al-Albani, toute sa vie, il a rapporté la aqida al-sunna al-jama'a comme quoi, hein, les actions font partie de la foi. Même dans, quand vous regardez Riyad Salihin dans sa correction, il a rajouté par rapport à Ziyada, inna Allah la yandurou ila ajsamikum wa la ila suwarikum wa lakin yandurou ila qulubikum, et puis il a rajouté wa a'malikum. Hein? Il a réfuté dans beaucoup de livres, il a réfuté les murji'a. Regardez dans Silsilah hadith sahiha, les hadiths qu'il a authentifié à ce sujet-là, Cheikh Al-Albani rahimahullah. Regardez dans Aqida al-Tahawiyya. Hein? D'accord? Parce qu'il a fait un ta'liq sur l'aqida al-Tahawiyya, le charh d'Ibn al-Izz al-Hanafi rahimahullah. Cheikh Al-Albani, il a fait un ta'liq là-dessus, il a fait des annotations dessus. Regardez comment il défend la croyance d'Ahl Sunna al-Jama'a. Hein? Et Cheikh Bazmoul, et j'avais promis qu'on le ferait, ça fait 2 ans que j'ai promis, mais je n'ai pas oublié, Inch'Allah, qu'on a fait le livre, on a commencé le livre de Sifat Salah de Cheikh Bazmoul. Mais tout la première partie du livre, elle est consacrée à quoi? À défendre Cheikh Al-Albani. Sous différents angles, différentes accusations qui sont sorties de manière récurrente, hein, contre Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Parmi celles-là, bien celle-ci. C'est quoi? Que Cheikh Al-Albani est l'irja. Et Cheikh Bazmoul, il a prouvé cela, il a bien expliqué que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il est innocent de l'irja. Donc Cheikh Al-Athimi, il a une très belle parole par rapport à ça, que vous connaissez certainement. Hein? Que les frères salafis connaissent en général, il a dit, celui qui dit que Cheikh Al-Albani est l'irja, ou il ne connaît pas Cheikh Al-Albani, ou il ne sait pas c'est quoi l'irja. Et certains machaires, ils ont dit, ou il ne connaît aucun des deux. Hein? Comment on peut dire que si tu connais Cheikh Al-Albani, et si tu connais l'irja, comment tu peux dire que Cheikh Al-Albani est l'irja? Hein? Et tous les machers, sans exception de la sunna aujourd'hui, ils ont tous défendu Cheikh Al-Albani sur ce point-là. Ils ont dit que Cheikh Al-Albani, il a des salafs quand il a parlé sur... Même les ulama qui considèrent que celui qui délaisse la prière est un mécréant, eh bien, ils défendent Cheikh Al-Albani sur ce point-là. On continue. فَإِذَا إِنَّ إِذَا قُلْنَا هَذَا فِي أُنَاسِ مُعَاصِرِينَ فهي تتناول من باب أولى الأولين لأنهم هم سنوا هذه السنة مالك والشافعي وأحمد في قول له بل حتى إن ابن بطة وابن قدامة ينكرون أن الإمام أحمد يقول بكفر تارك الصلاة وكثير من الشافعية إلا من ندر والمالكية والأحناف وفيهم علماء فحول والحنابلة فيهم علماء فحول ما يقولون بكفر تارك الصلاة هل نقول هؤلاء كلهم مرجئة أو وقعوا في الإرجاء هذا من الجهل بأصول أهل السنة والجماعة، ومن الجرأة التي تستخف بعض الناس، نسأل الله العافية. شيخ الدي si nous disons cela au sujet de certains contemporains, alors cette parole englobe à plus forte raison les anciens, car ils ont tracé cette voie. Malik, l'imam Malik, imam Dar al-Hijra, rahimahullah ta'ala, Shafi'i, Ahmed, dans l'un de ses avis, regardez les montagnes de science. Mais de plus, Ibn Battah et Ibn Qudama, ils nient que l'imam Ahmed ait l'avis que celui qui délaisse la prière est un mécréant. Et beaucoup de Shafi'i, des savants de l'école de l'imam Shafi'i, rahimahullah, à quelques rares exceptions, et les Malikites et les Hanafites, alors qu'il y a parmi eux d'éminents savants. Et les Hanbalites, parmi lesquels il y a d'éminents savants aussi, ils n'ont pas l'avis que celui qui délaisse la prière est un mécréant. Est-ce que maintenant on va dire que tout cela c'est des Murji'a? Hein? Si vous dites ça sur Cheikh Al-Albani, c'est ça l'implication de votre parole. C'est ça le lazim. Ou alors non, tu fais une distinction dans le jugement. Cheikh, il dit, dirions-nous alors que ce sont tous des Murji'a ou qu'ils sont tombés dans l'Irja? Ceci est une ignorance des fondements des gens de la sunna du consensus et c'est une effronterie qui s'est jouée de certaines gens et nous demandons à Allah le salut. On a fini avec ça la deuxième question. Troisième question, un soual thalith. Hal khuruj bi sifaqat am al khuruj yadkhulu fi al kalam fi wulat al umur? Et ça c'est une question importante de nos jours aussi. La troisième question, est-ce que la rébellion se fait uniquement par le sabre ou en fait partie le fait de parler sur les gouverneurs également? Et bien la réponse de الشيخ ربيع حفظه الله الجواب كله من الخروج الذي يثير الناس بالكلام هذا من القعد الإباضية من القعد يحثون على الجهاد لكن ما يخرجون يثيرون الناس وما يخرجون فهؤلاء الخوارج القعد يسمون بالقعد والذي يخرج بالسيف الأمر واضح هو خارجي خرج بالسيف فكلهم خوارج سواء هذا أو ذاك. Troisième question qui était sur le fait que se rebeller avec une parole, est-ce que c'est considéré aussi comme un khourouj, d'accord, ou pas? Eh bien la réponse, tout cela est une rébellion, c'est-à-dire par le sabre ou par la parole. Celui qui incite les gens à la rébellion par la parole fait partie des qu'a'ad. Les ulama, ils appellent un genre de khawarij, ils appellent le khawarij al-qa'adiyya, ou al-qa'adiyya, comme dit Cheikh Obeid, hein, al-qa'adiyya. Et si vous voyez dans les livres des ulama, ils le considèrent comme les pires. Pourquoi? C'est ceux qui incitent, même s'ils ne se rebellent pas eux-mêmes. Celui qui se rebelle, vous le voyez, il est clair ou pas? Hein? Il est là avec son sabre, on le voit. Tandis que celui qui est derrière et qui incite à cela, on ne le voit pas nécessairement. Hein? Et les ulama les considèrent, et je vous réfère à un excellent livre de Cheikh Khalid Abu Abd al-A'la d'Égypte, Hafidahullah Ta'ala, préfacé par une liste de savants, on les cite, Cheikh Falah Ismail, Cheikh Abel Jabiri, Cheikh Hassan al-Banna, Cheikh Mohamed Mezmoul, Cheikh Mohamed Muhyiddin, et peut-être d'autres que j'ai oubliés. Et bien ce livre-là, il fait 900 pages. Et c'est un livre qui s'appelle Hudud al-Fasila. Et c'est un livre en fait sur le Qutbiyya et Sururiyya. Et il explique en fait. Il parle de certaines personnes comme Ahmed Hassan, Abou Ishaq al-Hawaini, etc. en long et en large. Et à la base, c'est un livre qui est une réfutation des erreurs d'Abou Ishaq al-Hawaini. 900 pages, ikhwa. D'accord? Et je vous le conseille parce qu'il rapporte beaucoup de fawaï dans le menhaj. Hein? Et Cheikh Hassan al-Banna, il fait un ta'liq sur ça, sur le Khawaj al-Qa'adiyya. À l'occasion, si vous me rappelez, on pourra le lire, Inch'Allah. J'y pense aujourd'hui pour être honnête, mais j'avais pas le temps. J'ai déjà dû préparer tout cela, donc j'ai pas eu le temps de le faire, mais c'est à côté, c'est dans le cadre du cours, mais c'est pas dans le cadre du cours de Cheikh Rabi'. Donc si vous me rappelez à l'occasion, on pourra le faire, Inch'Allah. À la kouli hal, ici ce qui est important de comprendre, c'est que le khourouj, il se fait par le sabre, mais aussi par la parole. Quand vous ne pas vous mettre des chouettes et dire non, moi je sors pas avec le sabre, moi je critique, c'est tout. Hein? Ou j'appelle les gens à se rebeller, moi je suis pas sorti avec le sabre. D'accord? Donc Cheikh Ali, tout cela est une rébellion, celui qui incite les gens à la rébellion par la parole fait partie des qu'a'ad. Les Ibadiyah, il y en a beaucoup par exemple maintenant au sultanat d'Oman. Cheikh Falah Ismail nous a dit que quand vous allez au sultanat d'Oman, il y a deux genres de mosquées. Les mosquées des gens de la Sunna et les mosquées de l'Ibadiyah. C'est-à-dire le mufti du pays, il fait partie de l'Ibadiyah. D'accord? Eh bien, il dit, l'Ibadiyah, c'est un genre de khawarij. Il dit, l'Ibadiyah font partie des qu'a'ad. Cheikh Al-Albani Rahman, il fait partie des savants qui ont réfuté les erreurs de l'Ibadiyah. Ils incitent les gens au jihad, mais ne se rebellent pas. Les khawarij qu'a'ad, on les appelle donc comment? Al-qu'a'ad. Retenez ce mot-là. Bil-qa'adiyya. Celui qui se rebelle avec le sabre, son affaire est claire. C'est un kharijite, un rebelle qui se rebelle avec le sabre. Ils sont donc tous des khawarij, que ce soit ceux-ci ou ceux-là. Quatrième question posée à Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala. إنكم تردون على كل صاحب بدعة ومخالف لمنهج السلف ومنهم من يقرر المسألة ويستدل فيها بحديث ضعيف لكن الإمام البربهاري قرر بعض المسائل واستدل بأحاديث موضوعة وضعيفة فكيف تردون على من يستدل بالضعيف وتتركون من أئمة السلف؟ regardez cette question qui est posée à Cheikh Rabi'a. Quatrième question. Vous réfutez chaque personne qui est sur l'innovation et transgresse la voie des pieux prédécesseurs. Et parmi eux, il y en a qui, pour affirmer ce qu'ils affirment, se basent sur un hadith faible. Mais l'imam al-Barbahari a affirmé certaines choses et s'est basé à ce sujet sur des hadiths faibles et inventés. Comment pouvez-vous donc réfuter ceux qui utilisent pour preuve des hadiths faibles et délaisser les imams des salafs? Il y a des choubahs. Le Barbahari, vous connaissez, c'est celui qui écrit « Sharh Sunnah » rahimahullah ta'ala. La réponse. الجواب أنا أولا ما أسلم بأن البربهاري يحتاج بأحاديث ضعيفة أو موضوعة بين لنا دعواك c'est un vers de poésie que je cite des fois dans les cours والدعوات ما لم تقم عليها بينات فأبناؤها أبرياء les accusations qui sont portées contre certaines personnes ces gens-là qui sont accusés si tu n'apportes pas de preuves eh bien ils sont innocents والدعوات ما لم تقم عليها بينات فأبناؤها أبرياء الشيخ الدي بين لنا دعواك وماذا تنكر علي أني أحترم السلف جميعا ولا أنتقص أحدا منهم والحمد لله ما نرد إلا على أهل البدع فقط وأما السلف الذين عرفوا بالإخلاص والصدق والدين حتى لو أخطأوا نعتبرهم مأجورين في خطائهم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر فإذا عرف الإنسان بالتقوى والصلاح والصدق في البحث في الحق ثم أخطأ فهذا مأجور أما أهل البدع فلا أهل البدع إنما يتبعون أهواءهم ولهذا ترى أن صاحب الهوى ما يرجع أما هذا بنفسه يرجع وإذا قيل له أخطأت رجع هذا الشافعي يرجع بنفسه وأحمد ينتقل من قول إلى قول يبحث عن الحق وأخذا بالأدلة ما يلعب بنفسه يرجع قد يخطئ ويراجع فيرجع أبو بكر وغيرهم فأهل الحق هؤلاء الذين نعرف منهم الصدق والإخلاص ونعرف أنهم مرجعون إلى الحق هذا ولو أخطأ مأجور عندنا وله منزلة ولا يضره ذلك première partie de cette réponse puisqu'on va il y a une autre partie on va pas tout traduire d'un coup et Cheikh il dit moi en premier je n'admets pas ou je n'accepte pas, sans preuve, je n'admets pas que le Barbahari se base sur des hadiths faibles ou inventés. Donne-nous donc des preuves sur ce que tu avances. Ça, c'est la première chose, déjà. Et que tu me reproches, moi, est-ce que tu me reproches, moi, je respecte tous les pieux prédécesseurs. Il dit, que me reproches-tu? Moi, je respecte tous les pieux prédécesseurs. Je n'en dénigre aucun. Et toutes les louanges reviennent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous ne réfutons que les gens d'innovation religieuse, tandis que les pieux prédécesseurs, qui sont connus pour leur sincérité, et leur véracité, et leur religion, même s'ils se trompent, nous les considérons comme récompensés dans leurs erreurs. Et puis il cite le hadith qui est très connu, qui dit « Celui qui fait l'effort d'interprétation et ajuste a deux récompenses, et celui qui fait l'effort d'interprétation et est en erreur, eh bien, il a une récompense. » Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 7352, et Muslim, numéro 7116. C'est donc un hadith, encore une fois, muttafaqun alayh. Et Cheikh, il continue en disant, si la personne est connue pour sa piété, et sa vertu, et sa véracité dans la recherche de la vérité, puis se trompe, il est récompensé. Tandis que les gens de l'innovation, alors non. Les gens de l'innovation religieuse ne suivent que leur passion. Et c'est pour cette raison que les gens des passions ne reviennent pas de leurs erreurs. Tandis que celui-là, il revient... Et s'il lui dit « tu t'es trompé », il revient. Voir à Shafi'i, voici Shafi'i qui revient lui-même, et Ahmed qui passe d'un avis à l'autre, cherchant la vérité, prenant les preuves. Il ne se joue pas de sa propre personne, il revient. Il se peut qu'il se trompe, revoit, puis revienne. Donc ceux-là, les gens de la vérité dont nous connaissons la véracité et la sincérité, dont nous savons qu'ils reviennent constamment à la vérité, ceux-là, même s'ils se trompent, ils sont récompensés à nos yeux, et ils ont un statut, et cela ne leur nuit en rien. Il faudrait qu'une fois qu'on s'attache, et j'ai des belles paroles de Cheikh Obed Hafidahullah par rapport à ça, sur comment les gens de la sunna, ils se comportent par rapport à celui qui fait une erreur. Parce que les gens d'innovation, ils essaient de mettre des choubhats par rapport à ça. Ils disent, oh, mais tout le monde a des erreurs. Oui, mais c'est vrai que tout le monde a des erreurs, mais il y a erreur et il y a erreur. Et puis les gens ne sont pas les mêmes qui commettent des erreurs. Donc il y a des drawabits par rapport à ça. Inch'Allah, rappelez-moi ça aussi. Hein, à l'époque, ce qu'on faisait avec Abdel Halim, quand il était là et d'autres frères, ils avaient une petite liste. Chaque fois qu'on disait qu'on allait traduire quelque chose, ils notaient. Hein, je ne sais pas si quelqu'un qui a pris la relève ou pas. À la kulli hal. Essayez de me le rappeler, Inch'Allah, qu'on fasse ça de Sharavit parce que c'est très intéressant, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté qui tourne autour de ce sujet-là. On continue la parole, il dit, Cheikh Rabi', Am ahlul ahwa fala, amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu, ibtira al-fitnati wa ibtira ta'wilihi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Al-aya. لهذا ترى أهل الأهواء ما يرجعون ولهذا قال يمرقون من الدين كما يمرق من السهم يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إلى يوم القيامة والحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو حديث متفق عليه فالآن المبتدع يا إخوان سواء ثوري أو أي شكل ما يرجع إلى الحق تقيم عشرات الأدلة في القضية وتأتي بأقوال العلماء وما يرجع إلى الحق هذا شأن أهل الأهواء شيخ الدي ceux-là, les gens de la vérité, dont nous connaissons la véracité et la sincérité, dont nous savons qu'ils reviennent constamment à la vérité, ceux-là, même s'ils se trompent, ils sont récompensés à nos yeux. Ils ont un statut, et cela ne leur nuit en rien. Tandis que les gens des passions, alors non. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٍ mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Et la suite du verset, c'est وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Cheikh Mohamed Amin Shidqiti, rahimahullah, dans son tafsir, d'ailleurs, il dit qu'il y a deux waqf ici où tu peux t'arrêter à le waqf qui dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ et tu t'arrêtes. Et ça, ça a un sens. Ou وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَى اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْآيَةَ. Hein? D'accord? Retournez à l'explication au tafsir Adwa al-Bayan de Mohamed Al-Amin Shinqiti rahimahullah, de surat Ali Imran, verset 7, si vous voulez avoir plus de détails. À la kulli hal, Cheikh il dit, c'est pour cela que tu vois que les gens des passions ne reviennent pas, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sortent de la religion comme la flèche sort de l'arc et ils ne reviennent pas. Vous entendez ici? Ils ne reviennent pas jusqu'au jour du jugement dernier. Regardez le fiqh de Cheikh Rabi'. Hein? La yarji'oun. La ya'oudoun. Hein? Ils ne reviennent pas. La ya'oudoun. Ils ne reviennent pas jusqu'au jour du jugement dernier. Rapporté par le Bukhari, numéro 6933 et Muslim 1064. C'est donc un hadith, quoi? Muttafaqun alayh. Je vous donne le numéro 6933 dans le Bukhari et Muslim 1064. Cheikh, il continue, il finit sa réponse en disant, donc maintenant, l'innovateur, ô mes frères, qu'il soit un révolutionnaire ou de quelque sorte que cela soit, il ne revient pas à la vérité. Hein? Tu lui montres des dizaines de preuves sur une affaire et tu rapportes les paroles des savants, il ne revient pas à la vérité. Telle est la situation des gens des passions. Cinquième, hadith c'est 6933, Bukhari, et Muslim c'est 1064. Cinquième et dernière question posée dans ce dars de Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala. ما مدى صحة قولي إن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص وإيمان الإنسان يزيد وينقص فربما يرتقي حتى يزيد إيمانه على إيمان الملائكة هل هذا القول صحيح؟ شيخ ربيع حفظه الله تعالى il est questionné de la manière suivante. Quelle est l'authenticité de cette parole qui dit que la foi des anges n'augmente pas et ne diminue pas tandis que la foi de l'être humain augmente et diminue et il se peut qu'elle augmente et augmente au point d'être plus grande que celle des anges. Est-ce que cette parole est correcte? La réponse de Cheikh Rabi', al-Jawab, la a'rifu dalilan li hadha al-kalam, lakin al-anbiya afdalu min al-mala'ikati wa salih al-mu'minin fi al-ma'al mukhtalafun fihim, salih al-mu'minin yatadakhalu al-jannah fi al-ma'al yakunun afdala min al-mala'ika wa ma fi ad-dunya al-mala'ika afdalu min ghayr al-anbiya, hayyakum Allah bi al-clôture ce cours-là. Réponse à la cinquième question. Cheikh, il dit, je ne connais aucune preuve quant à cette parole, mais les prophètes ont une préséance sur les anges, et les croyants vertueux, dans l'au-delà, les croyants vertueux, lorsqu'ils rentrent au paradis, ils ont une préséance dans l'au-delà sur les anges, tandis que dans ce bas monde, les anges sont mieux, à l'exception faite des prophètes. Et donc, Cheikh, il clôture cela en disant Hayyakum Allah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa min taba'a huda, wa subhanakum wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc, avec ça, on a terminé ce 16e cours, dans Usul Sunnah l'imam Ahmed. Et prochain cours, c'est pas la semaine prochaine, parce qu'il adora en langue anglaise. Et il devrait peut-être avoir certains mashaykhs qui vont assister, inshallah. Sinon, il y aura certains cours par téléphone, de toute façon, inshallah. Et c'est donc le chapitre. Donc pas le week-end prochain, peut-être le week-end d'après. Et la base, comme j'ai dit toujours, c'est qu'il y a cours jusqu'à preuve du contraire. Hein? Et c'est pas, il n'y a pas cours jusqu'à preuve du contraire. C'est qital al-lusus wal-khawarij ja'iz. C'est là qu'on s'est arrêté et c'est là qu'on va commencer la fois prochaine. Wa jazakumullahu khairan. Et donc, on se voit dans 2 semaines, inshallah, si tout va bien.